Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le cours de l'histoire, un cours de l'histoire où nous allons nous caresser, où nous allons nous toucher. Oui, en cette période de distanciation sociale, voici une histoire du toucher. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Jamais nous n'aurions imaginé connaître une telle situation, la distanciation sociale, un monde dans lequel il est impératif d'éviter les contacts. La bise, la poignée de main, la caresse sont véhicules de la menace virale. Il ne faut pas toucher la barre du métro, il ne faut pas toucher la poignée du caddie. Toucher, c'est entrer en contact avec quelque chose, avec quelqu'un, parfois avec soi-même. Une histoire du toucher est possible et nous en vivons un épisode dramatique. Est-il possible d'imaginer un monde sans se toucher ? Non ! Sans se toucher, nous vivons le risque de toucher le fond. Anne-Vincent Buffot, bonjour. Bonjour. Nous parlons du toucher. Anne-Vincent Buffot, vous avez écrit une histoire sensible du toucher. Mais qu'est-ce que le toucher ? Alors le toucher est un sens très difficile à définir parce qu'en fait il est diffus, contrairement aux autres sens. Et c'est le sens en fait un peu originaire parce que peut-être qu'on pourrait considérer que les autres sens sont que des variations du toucher. Parce qu'en fait l'audition c'est quand même une vibration qui vient toucher quelque part une membrane et qui provoque le son. Et quand nous évoquons le toucher, il faut évoquer un organe aussi, cet organe que l'on oublie bien souvent, mais qui est la peau. Qui est la peau, qui est aussi plus largement la sensibilité aux ambiances. Hein, c'est pas forcément que le contact, ça peut être aussi la sensation interne, la sensation musculaire. Et... Donc en fait, c'est un sens qui est à la fois le plus vital, c'est ce que disait Aristote, hein, c'est-à-dire que sans toucher, nous comme les animaux, nous mourrons. Tout simplement. Tout simplement. Tout simplement, mais le toucher est intéressant parce que Anne-Vincent Buffot, je disais, vous avez écrit une histoire sensible du toucher. Vous êtes historienne des sensibilités, chercheuse associée au laboratoire de changement social et politique de l'Université de Paris. Et dans cette réflexion, la notion du temps est importante. Pouvez-vous nous dire si la notion du toucher a drôlement évolué au cours des siècles ou si nous restons avec quelque chose qui est toujours plus ou moins similaire ? Je pense qu'elle a beaucoup évolué, mais c'est pas du tout des évolutions linéaires. C'est-à-dire que il semblerait que le toucher ait perdu de l'importance à partir de la Renaissance, parce que la vue a été prédominante. Mais après ça, il y a des fluctuations, c'est-à-dire il y a des retours, il y a des moments de retour, comme au XVIIIe siècle, où en fait on s'intéresse beaucoup au fait que c'est grâce au sens qu'on a un rapport avec le monde et que nos idées viennent de nos sens. Et puis au XIXe siècle, ça se referme. La peau est considérée comme un organe très périphérique. Tout est basé sur les lobes cérébraux. Et il y a une hiérarchie des sens qui est très très établie avec la vue qui est plus importante. Mais néanmoins, le toucher est très important aussi à cette époque parce que c'est le sens de la distance et des écarts et de la mise à distance. Et avec la montée de l'hygiénisme, le fait qu'effectivement on essaie de séparer effectivement, ce qui est de l'ordre du pur et de l'impur, de ce qui peut être contaminant et pas contaminant, et puis aussi l'odeur du pauvre dont nous a parlé Alain Corbin. Exactement, parce que ces histoires de sensibilité ramènent ce nom Alain Corbin qui nous écoute et que nous saluons justement dans cette histoire des sensibilités. Le toucher a une place particulière qui s'inscrit en fait dans l'histoire du corps plus globalement. Et Anne-Vincent Buffot, c'est même l'histoire de la relation à l'autre. La possibilité de s'approcher de l'autre. L'évolution de l'histoire du toucher, c'est aussi ça. Oui, oui, c'est l'interaction, la relation, etc. Et c'est vrai que les historiens se sont beaucoup intéressés à ça. Déjà, Lucien Febvre et Mandrou avaient appelé à une histoire du toucher. Et ce que je trouve important aussi, c'est qu'ils disaient que nous, on est en fait dans... Alors, peut-être pas avec la pandémie, mais on était dans des usances câlines, comme dit Chateaubriand. C'est dans un certain confort. Et les historiens, ils pensaient justement aux gens qui étaient dans le plein vent et qui n'étaient pas protégés. Daniel Roche aussi parle, dédie son livre aux gens qui ont des engelures l'hiver. Hein, effectivement, c'est quelque chose qu'on a oublié. Oui, parce que dans cette histoire du toucher, il y a la sensibilité à notre environnement. Donc c'est aussi l'histoire de notre rapport à notre environnement, les paysages, la nature. Oh, regardez, une licorne. Sur 8 larges panneaux qui remplissent 2 vastes salles, on voit le portrait d'une femme. On voit le portrait d'une femme. La même partout, évidemment. Jeune, mince, longue, blonde et jolie, vêtue de 8 costumes différents. Tous à la mode de la fin du XVe siècle. Dans un de ces tableaux, la belle dame est assise en pleine face. Et caresse de chaque main de grandes licornes blanches qui l'encadrent comme 2 supports d'armoirie. Le croissant est semé à profusion sur les étendards. Sur le bois, des lances d'azur. On a longtemps cru que ces tapisseries étaient turques. On a reconnu récemment qu'elles avaient été fabriquées à Aubusson. Car après tout, le croissant n'a rien d'essentiellement turc. Et on le trouve sur l'exécution d'une foule de familles nobles en France. Les tapisseries de la dame à la licorne qui sont au musée de Cluny à Paris et qui étaient évoquées dans l'émission Les Regardeurs sur France Culture en 2014. Anne-Vincent Buffaut, justement sur ces tapisseries de la dame à la licorne, il y en a une consacrée au toucher. À quel moment les sens arrivent à être distingués intellectuellement, ces 5 sens que nous connaissons? C'est vrai que cette évocation de la licorne m'évoque surtout le passage du livre de Michel Serres où il commente en fait ce sens du toucher en montrant que c'est un sens justement qui est un sens du flou, un sens de la couture, un sens de la qualité et pas de l'analyse. C'est ça qui est très subtil en fait. C'est un sens, effectivement, des écarts, des limites, des bords. Cette distinction des sens, effectivement, maintenant est contestée par les scientifiques. Hein. On ne sait pas très bien s'il y a 5 sens. Il y a des gens qui disent qu'il y en a 6, justement, avec le sens kinesthésique ou le sens interne, effectivement, qui serait un sens différent. Et surtout, en fait, si on regarde en ethnographie aussi, on voit que selon les différents peuples, il n'y a pas la même découpe des sens et pas la même hiérarchie des sens. Et alors, historienne que vous êtes, Anne-Vincent Buffaut, il y a cette recherche évidente de la source du document. Pour le toucher, vous êtes aux aguets dès que le mot caresse apparaît dans un texte. C'est difficile de trouver ça. Est-ce que le toucher est souvent évoqué? C'est-à-dire que ça c'est pareil. Hein. Alain Corbin nous a bien mis nous a appris à lire les sources. C'est-à-dire que les sources des classes dominantes ont tendance à avoir un regard, par exemple, sur le toucher populaire, qui pense que le toucher populaire est inférieur parce que leur peau est attaquée par le travail. Et que effectivement, ils n'ont pas des sens très développés, alors que la bourgeoisie aurait toute une subtilité. Effectivement, la Madeleine de Proust, le petit pavé qui vous fait sentir les souvenirs, etc. Donc, il faut se méfier. C'est vrai que c'est très difficile de trouver des sources. De trouver des sources, cela est difficile, avec toujours cette idée que la plupart des sources produites par les dominants reflètent une certaine conception parfois esthétisante du toucher. Primo, le toucher nous donne couramment dans la vie pratique des impressions artistiques. Secondo, l'art utilise constamment et très abondamment ses impressions. Je n'ai guère besoin de vous rappeler longtemps que tout ce qui est de l'ordre de la caresse et de la palpation prend aisément un coloris esthétique partout où intervient une sorte de sensualité sublimée. Quel est l'auteur, quel est l'amateur de reliure d'art qui n'a pas pris un plaisir particulier, nettement esthétique, à caresser le gros grain d'un maroquin ou la finesse lisse d'une basane? Est-ce que le contact si différent d'une fourrure un peu rude, un peu bourrue, ou d'une fourrure douce et souple, glissant élastiquement sous la main, n'intervient pas dans l'appréciation esthétique générale que nous en formons? Et dites-moi encore, si pour quelqu'un qui aime la nature, le contact rêche et mâle de l'écorce d'un chêne, ou le poli d'une finesse un peu féminine de celle du hêtre ou du bouleau, ou bien encore, quand on met la main dans un ruisseau, la pression comme ronde et élastique de la fraîche rapidité qui passe, dites-moi si tout ce jeu de valeurs tactiles ne fait pas partie d'un trésor d'expérience où la valeur esthétique s'étale sur toute l'étendue de la perception. Le philosophe Étienne Souriot qui s'exprimait dans l'émission Heure de culture française en 1948, Anne-Vincent Buffo. Oui, bien sûr, il y a ce contact avec la soie, le toucher est essentiel, mais ici, nous avons une lecture qui nous a fait rigoler, d'ailleurs, très esthétisante, c'est magnifique. Hein. C'est magnifique, mais effectivement, c'est très esthétisant. Dans ce regard en fait du toucher, il y a un regard social. Il y a un regard social, tout à fait, oui. Il y a aussi, justement, je pensais à cette histoire sur les femmes, effectivement, qui étaient folles de la soie, qui étaient ces petites ouvrières, qui se faisaient attraper dans les grands magasins parce qu'elles volaient de la soie. Hein. Et donc, cette folie des étoffes très féminine que Gaëtan de Clérambault a étudiée, c'est aussi... cet aspect un peu curieux, on a pathologisé cette espèce de rapport assez curieux à la soie, parce que effectivement elles adoraient effectivement cette soie et malgré tout c'était aussi des petites ouvrières qui pouvaient pas se payer des robes. C'est ça, et c'était vraiment le contact avec la soie qui crée. Le cri de la soie. Ah oui, donc c'est déjà très joli. Et il y avait presque quelque chose de sexuel dans démarche. Hein. Elle se masturbait avec de la soie, c'est clair. Hein. C'est très étonnant cette démarche, cette réflexion autour de l'objet, du contact avec l'objet et du contact avec l'autre, avec le corps. Anne-Vincent Buffo, je vous propose de faire un petit parcours de vie. Et le parcours de vie commence évidemment avec les plus petits, avec les enfants. Mmh. Regardez-les, ils sont mignons, ils sont emmaillotés. Les conseils donnés aux sages-femmes par Monsieur Guillemot, médecin du roi, en 1650. Notez, mon petit. Il faut premièrement que la sage-femme enveloppe et accommode l'enfant de sa couche et l'ange, puis avec une bande large qui commencera au-dessus de la poitrine, elle en fasse un ou deux tours et circonvolutions, lui accommodant les bras le long des côtes et les étendant de telle sorte que ses mains approchent des genoux. Puis sera de rechef entouré de sa couche et l'ange, puis après, bandé tout autour du corps. Lors, ses genoux seront baissés et entre eux, un pan de sa couche mise et accommodé ensemble le long des jambes. Et les deux chevilles des pieds seront apposées uniment et enveloppées de la dite couche, laquelle sera par après repliée par-dessus bien uniment. Cela fait, on achèvera de le bander du tout, lui remettant par-dessus un second l'ange pour le tenir plus chaudement et fermement. Il sera tous les jours emmailloté de cette façon. Voilà, c'est ainsi dit le médecin du roi en 1650, donc sous Louis XIV. C'est un extrait d'une archive de 1962. Anne-Vincent Buffo, ce contact avec l'enfant est très intéressant parce que là, il y a une véritable histoire. Oui, tout à fait. Effectivement, on emmaillotait les enfants. Donc les enfants étaient quand même privés de contact, sauf au moment d'échange, etc. Et donc il y a eu effectivement une libération du l'ange. Et on a soi-disant libéré les bébés. Et en fait, pas du tout. Quand on les a libérés des langes, au contraire, on les a disciplinés sur les heures de tétée, sur le fait justement qu'il fallait pas trop les embrasser, pas trop les mignoter, pas trop les cajoler. Il fallait effectivement leur donner des tétées à heure fixe. Alors, il fallait que les mères allaitent. Hein, c'est la grande mode du XVIIIe siècle, ça on connaît bien. Voilà. Mais en même temps, il fallait réguler. Hein. C'est un peu comme le corset, c'est-à-dire le corset, on s'en est libéré, mais en fait, il faut être mince. Voilà. Et ben pour les bébés, effectivement, ils sont libérés, mais il fallait qu'ils soient disciplinés. Pourquoi une simple volonté de discipliner le corps, que nous voyons bien dans l'histoire, comment cette discipline du corps se construit, ou alors une crainte que trop de caresses change l'enfant? Oui, probablement, effectivement, il fallait pas trop le solliciter, le mignoter, il fallait le tenir à distance. Et bon, c'est quand même Norbert Elias qui nous a appris ça, hein. C'est qu'il y a quand même tout un mouvement qui fait qu'on met à distance et qu'on apprend aux enfants à ne pas toucher. Et effectivement, il y a un moment où on s'est révolté contre cette puériculture, alors qui était aussi liée à l'hygiénisme, hein. Et au fait, effectivement, qu'il fallait pas trop qu'il y ait de rapports affectifs dans la famille. On a remis, en fait, les enfants dans les bras. Voilà. Mais, et de plus en plus, enfin, c'est en même temps une libération. C'est toujours curieux dans l'histoire parce que les libérations sont aussi de nouvelles normes et de nouvelles injonctions. Maintenant, il faut absolument que les mères allaitent. Hein. C'est un peu comme au XVIIIe siècle. Il faut de nouveau que les mères allaitent. Il faut beaucoup toucher le bébé, etc. Ce qui est curieux aussi, c'est que c'est en ayant été voir l'autre culturelle qu'on s'est remis à toucher les bébés. C'est-à-dire qu'on était Margaret Mead, et effectivement, a observé les arapèches. Et alors, elle a même fait une théorie qui est maintenant un peu contestable, comme quoi, dans les peuples où on mignote bien, on câline les bébés, on les tient peau à peau, les peuples sont plus pacifiques et que les peuples qui tiennent plus à distance les bébés sont plus agressifs. Eh bien, justement, dans ce regard porté à l'autre, il y a à l'autre extérieur, autre culture, et puis il y a à l'autre de chez soi, c'est-à-dire celui qui n'est pas du même univers social. Et là encore, à travers l'histoire du toucher, nous avons une lecture sociale extrêmement nette. Se touchait-on de la même manière en haut de la hiérarchie sociale ou en bas ? Sans doute pas, mais bon, alors là, c'est quand même très difficile à savoir. C'est vrai que, bon, par exemple, Arlette Farge montre bien qu'au XVIIIe siècle, dans la rue, on n'arrête pas de se toucher. Elle parle d'un théâtre du toucher. On se cajole, mais aussi on s'agace. On s'agace, hein, voilà, on se chatouille et on s'épouille. Ça, on a perdu ça, l'épouillement. C'est quand même un geste qui est en même temps tendre et qui est actif et efficace. Voilà, donc il y avait toute cette... Peut-être qu'on a perdu, par exemple, l'épouillement. Justement, nous avons aujourd'hui perdu la bise, la poignée de main. Nous avons des images mentales de corps distants dans les siècles passés. Pourtant, la bise était là. Où, à quel moment se crée le toucher ? À quel moment les gens avaient l'occasion d'être en contact ? Simplement la poignée de main, la bise C'est vrai que dans l'iconographie du XVIIIe siècle, les hommes s'embrassent. Bon, c'est là aussi que revient l'histoire des larmes. C'est-à-dire que non seulement ils s'embrassent, mais ils pleurent. on voit bien que les gens s'étreignaient, s'embrassaient. Et c'est vrai que la poignée de main, elle est plutôt arrivée au XIXe siècle, où les hommes se sont mis à distance. Il y a eu quand même une sorte de phobie du contact chez les hommes. Peut interroger, peut-être que Michel Foucault, effectivement, nous donne des pistes. C'est une phobie de l'homosexualité, du contact d'amitié entre hommes qui serait effectivement trop tactile. Anne-Vincent Buffaut, vous êtes l'auteur de l'histoire des larmes, 18e, 19e siècle, et puis plus récemment d'une histoire sensible du toucher. Quand il est question du toucher, très vite, nous savons à quel moment nous sommes, par exemple au moment du premier toucher amoureux. Écoutez, quelques notes de musique suffisent pour savoir à quel moment nous nous trouvons. Pour un flirt avec toi, je ferai n'importe quoi. Pour un flirt avec toi, je serai prêt à tout. Pour un simple rendez-vous, pour un flirt avec toi. Pour un petit tour, un petit jour entre tes bras. Pour un petit tour, un petit jour entre tes bras. Sublime Michel Delpech pour un flirt, mais qui fait écho à énormément d'éléments de la littérature. Ce premier contact amoureux dans Madame Bovary de Flaubert, le premier contact, Emma, qui sent la cuisse velue, quelle horreur. Mais c'est ça aussi. Avec Madame de Rénal, prendre sa main. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose que nous connaissons, parce que justement vous évoquez ces grands classiques et ça peut étonner les lecteurs contemporains, adolescents qui lisent pour l'école, pour le lycée. Ils disent mais mince, c'est pas comme ça. En vérité, c'est comme ça déjà. Encore aujourd'hui, nous le savons, c'est sûr. Est-ce que c'est vraiment vrai ? Est-ce qu'il y avait autant d'hésitation à effleurer une main ? C'est déjà dans la bourgeoisie, effectivement, c'est les oies blanches aussi qui sont bien gardées. C'est-à-dire que, et puis toute la pastorale aussi catholique qui voulait éviter qu'on se délecte trop de petites caresses. Voilà. Mais c'est vrai que dans les milieux populaires, c'est pas le cas. Mais après, on a eu pareil, il y a cette espèce de lecture comme quoi le peuple se donnait des bourrades. Hein. Les paysans, quand ils flirtaient, c'était des grosses tapes, voilà, pour montrer que les femmes étaient suffisamment solides pour faire un bon mariage. Or, en fait, c'est pas si vrai que ça. Bon, ça existait probablement, mais il y avait aussi toute une fréquentation prénuptiale qui précède tout à fait cette invention du flirt, où effectivement les jeunes se touchaient dans certaines limites, en fait. Bon, c'est ce qu'on appelle l'albergement. Enfin, il y a différentes pratiques, mais effectivement, alors c'était les alors parfois c'était avec des parapluies, se cacher derrière les parapluies. Et il fallait qu'il touche que le haut du sac. Alors cette histoire de haut du sac, vous nous l'expliquez parce que personne ne sait vraiment où se trouve le haut du sac. Et vous l'expliquez vous-même, mais moi j'aimerais bien savoir. Alors Anne-Vincent Buffot, où est le haut du sac ? Non, mais c'était effectivement éviter, je pense, tout simplement la pénétration. Quoi. C'était juste effectivement une espèce de préliminaire qu'on autorisait. Pour éviter, effectivement, bah, c'était une forme de contrôle des naissances aussi. Hein. On sait bien que les gens, en fait, finalement, se mariaient assez tard et qu'on essayait, enfin, contrairement à ce qu'on croit, les gens se mariaient beaucoup plus tard que pendant les Trente Glorieuses. Et effectivement, c'était aussi une façon de contenir les pulsions sexuelles et de permettre aux jeunes de se fréquenter. Et puis aussi, peut-être aussi, de s'accorder. Hein, alors que dans les mariages bourgeois, ils ne pouvaient pas s'essayer. Donc c'était peut-être quand même plus de liberté pour que les gens se choisissent sensuellement. Peut-on dire que la pression sociale ou la construction sociale a une incidence sur la manière de se toucher ? Forcément, oui, forcément. De toute façon, le toucher est aussi tout le sens de l'interdit, de tous les tabous. Donc c'est sûr que c'est un des sens les plus normés, d'une certaine manière. Avec un regard sans cesse porté sur ce toucher. C'est plutôt ce regard, en fait, que l'historienne peut étudier parce qu'il a produit énormément de discours. Le toucher en lui-même est difficile à saisir. Il est parfois évoqué, mais c'est le regard porté sur les conséquences du toucher, bien perçu ou mal perçu, qui est drôlement intéressant. Oui, tout à fait. Alors après, effectivement, on commence aussi à savoir étudier, c'est-à-dire ce qu'on appelle les connaissances haptiques qui sont pas verbalisées. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une connaissance tacite du toucher, qui est par exemple tout ce qui est gestuel du travail. Donc malgré tout, on peut peut-être la filmer, on peut après la filmer, la faire raconter, etc. Quoi. C'est pas totalement absent. Alors effectivement, on peut, pour un historien, on peut difficilement faire du rétrospectif, mais on peut quand même par analogie apprendre des choses là-dessus quand même. Voilà, tout un jeu autour du toucher, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui dans le cours de l'histoire. Dans le cours de l'histoire, où nous apprenons aussi du vocabulaire, hein, avec ce mot que vous venez de citer, haptique, avec un H, qui signifie, qui a rapport au toucher. Oui, mais d'ailleurs, pour les bébés, on parle d'aptonomie, c'est-à-dire toute cette science du toucher pour... appeler les bébés avant la naissance, donc c'est effectivement aptos du grec toucher. Toucher, allez, plaisir du toucher. Merci, mon seigneur, merci, touchez ma basse. France Culture. Doucement, ce soir j'ai mes douleurs. Le cours de l'histoire. Elle vous portera doublement chance. Chose promise. Xavier Mauduit. Chose dite. La bosse du bossu, Jean Marais. Ah non, oui, le bossu. Toucher la bosse. Mais voilà, toucher ma bosse. Ah, j'avais pas pensé. En fait, ces petites évocations, on peut les multiplier énormément. Elles sont difficiles à mettre en perspective dans votre travail d'historienne. Il y a ça, il y a réussir à trouver les grandes tendances et puis les particularités. C'est une accumulation de données qui permet de saisir la tendance. Oui, et puis quand même, l'historien, il a tendance à reprendre les outils, par exemple, des anthropologues et des sociologues pour essayer de lire les textes. Voilà. Et donc, effectivement, on peut quand même essayer d'approcher avec un certain regard les pratiques du toucher, je pense. Alors, avec un certain regard, toujours les sens qui sont évoqués au moment du toucher. Espérons seulement de ne pas avoir les mains froides, quoique parfois c'est sublime. C'était si beau, la rue Monge sous la neige, et je marchais les deux mains dans les poches, toutes trouées de mon pantalon beige. Pourquoi d'ailleurs avais-je mis le plus moche? Je t'ai croisé sans vraiment m'y attendre, et en même temps on avait rendez-vous. Tu as souri et t'es venu me prendre les mains que je planquais dans mon futal à trous. Je me souviens que j'avais les mains froides, je tremblotais et j'étais à la traîne. Tu ne devais pas les trouver si froides, car malgré tout tu les laissas dans les tiennes. Marché vers la rue des écoles, on s'est posé tout au fond d'un bistrot. Je t'exposais une théorie folle, que par ce temps c'est sympa un thé chaud. Toi tu souriais en plissant tes yeux noirs, que je voyais même sans les regarder. Tu t'es levé, t'as payé au comptoir, puis t'es venu par les mains me chercher. Je me souviens que j'avais les mains froides, je tremblotais et j'étais à la traîne. Tu ne devais pas les trouver si froides, car malgré tout tu les laissas dans les tiennes. On est allé dans ta chambre au sixième, j'avais prévu de te lire des poèmes. T'as mis un vieux disque de Billy Paul, je me suis tué et j'ai lu les paroles. Il te restait quelques gouttes de madère, j'ai dit pas trop, tu m'as servi un verre. Et au moment où j'allais y goûter, tu m'as souri et tu m'as embrassé. Je me souviens que j'avais les mains froides, je tremblotais et je me sentais nul. Tu ne devais pas les trouver si froides, car malgré tout tu les laissas sous ton pull. J'aime bien tes manières, et moi j'ai dit je connais un poème. Tu m'as souri, t'as éteint la lumière dans mon oreille, t'as glissé un je t'aime. J'aurais dû dire un mot tendre et sympa, mais moi je t'ai juste dit rien du tout. Puis doucement tu t'es collé à moi, et pour le reste ça n'appartient qu'à nous. Je me souviens que j'avais les mains froides, je tremblotais mais je me sentais bien. Tu ne devais pas les trouver si froides, car malgré tout tu les laissas sur tes seins. Les mains froides d'Oldelaf, que nous aimons beaucoup dans le cours de l'histoire. Une émission sur France Culture réalisée par Somaya Dabesh et Marie Placet, avec aujourd'hui à la technique Jean-Frédérix. Dans le cours de l'histoire, une histoire du toucher, oui. En cette période de distanciation sociale, il faut évoquer cet élément majeur de notre vie, le toucher. Et justement, Bénédicte Hamon, bonjour. Bonjour. Vous êtes intéressé au toucher, mais alors justement en écho à cette distanciation sociale, vous êtes conservatrice à la Bibliothèque nationale de France et vous avez travaillé, réfléchi, écrit toute une série de petits textes sur le spiritisme. Et pourquoi maintenant le spiritisme ? Alors en fait, je pense que c'est quelque chose qui s'est imposé par rapport à notre situation, par rapport à ces gestes barrières, les interdictions par rapport au toucher maintenant. C'est une idée qui est née pendant le second confinement à la Bibliothèque nationale, où on nous a fortement incité à publier des billets de blog Gallica. Moi, j'avais eu l'occasion de travailler sur le spiritisme en 2015 et ça m'avait beaucoup plu, notamment parce qu'il y avait des textes assez amusants et iconographie assez intéressante. Et c'est vrai qu'en revoyant des photos de Camille, Fly et Marion dans Les Forces naturelles inconnues, qui est paru en 1907, en fait, c'est des photos qui sont assez, je ne sais pas si nos auditeurs les ont en tête, en tout cas, ils se retrouvent dans les petits billets de blog et c'est disponible sur Gallica. Mais c'est assez étonnant parce que on a des lévitations de table et des gens qui sont extrêmement, extrêmement proches. C'est très curieux à regarder. Et je pense que le sujet ne me serait pas du tout venu si on n'avait pas, justement, aujourd'hui, ces restrictions de toucher. Et c'est vrai que ça nous frappe d'autant plus. Et donc, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire autour du toucher dans le spiritisme. Et alors là, j'ai commencé. Alors, moi, pour le coup, je n'ai pas fait tourner les tables hein, pour être inspiré, mais disons que bah, les longues soirées de couvre-feu, j'ai plutôt fait tourner le moteur de recherche Gallica, j'ai plutôt fait danser les mots et pas les tables, avec les mots caresse, baiser, médium, et ça m'a donné pas mal de résultats. Et finalement, moi qui au départ pensais à la classique chaîne des mains, dans les séances de spiritisme, je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup d'autres occurrences du toucher et que la fameuse chaîne magnétique était essentielle pour faire survenir des phénomènes surnaturels, mais aussi c'était un instrument du contrôle du corps du médium pour éviter qu'il y ait des supercheries. Et c'est assez étonnant parce que alors là ça rejoint un petit peu le livre d'Anne Vincent Buffaut en fait, parce que il y a toute une partie sur le tact médical qui est dans le chapitre maîtriser et neutraliser le contact, sur le fait qu'au 19e en fait les médecins touchent. Il y a cette idée qu'il faut expérimenter, mesurer. Et du coup, on a un rapport au corps un peu différent parce que si j'ai bien compris, avant, on avait plutôt des examens plutôt visuels et là, vraiment, on touche. Et alors, c'est épatant parce que dans les textes, les médiums sont touchés, parfois elles sont même ligotées pour éviter qu'il y ait des... Alors c'est vraiment fabuleux ces textes, hein, pour éviter qu'il y ait des supercheries, qu'elles s'échappent, qu'elles se déguisent en fantômes. Il y a tout un système, il y a tout plein de protocoles presque quasiment scientifiques. En fait, il faut dire que la plupart de nos expérimentateurs sont scientifiques avec des grands noms hein, comme Flammarion, on a Pierre et Marie Curie, on a tout ce que l'on peut retrouver sur Gallica, Bénédicte Hamon. C'est vrai que nous allons mettre tous les liens sur le site internet du cours de l'histoire. Ce plaisir de retrouver dans Gallica ces textes anciens et ces images et qui nous montrent ce monde du spiritisme où le toucher est essentiel, même au Père Lachaise. Enfants et vieilles dames aiment les légendes et elles ne manquent pas au Père Lachaise. On raconte que pour exaucer tous ses vœux, il faut toucher le buste du spirit Allan Kardec. En revanche, pour soigner la stérilité, il faut poser la main sur le gisant de Victor Noir. Mais les ombres furtives qui passent entre les tombes ne sont que des chats abandonnés au moment des vacances. Mais ils ont trouvé leur bonne mère, tous les matins ils sont nourris. La tombe d'Allan Kardec évoquée au cimetière du Père Lachaise ainsi que la tombe de Victor Noir. C'est vrai qu'ils sont tous les deux touchés mais pas tout à fait au même endroit. C'était dans un JT de 20h. Dites-nous, Anne-Vincent Buffaut, le spiritisme, le toucher, le contact, mais là le contact même avec l'au-delà est quelque chose aussi qui entre dans l'histoire de ce sens, celui du toucher. Oui, tout à fait. Je trouve que le blog là est vraiment fabuleux parce qu'en plus on retrouve un peu le flirt parce que bon, ces dames sont très contrôlées, mais elles sont un peu frôlées aussi. Hein. Donc effectivement, c'est assez étonnant. C'est vrai que je trouvais que c'était très, très intéressant, mais je voyais pas exactement l'articulation que ça avait avec le mesmérisme. Ça, j'aimerais bien creuser le sujet parce que c'est vrai que. Bah c'est Rancière aussi qui parle beaucoup de ça, c'est pour ça que c'est difficile de faire la limite du toucher, parce que, comme le dit Simmel, le toucher c'est aussi les ambiances, et donc ce fluide magnétique qui circule, dans le socialisme humanitaire, hein, on le voit chez Goni, c'est un fluide qui fait des chaînes aussi de solidarité. Oui, parce que le mesmérisme, c'est ce fluide voilà. Animal voilà. Qui nous relie les uns les autres et les ouais. Animaux. Il y a de ça aussi dans le toucher. Ce sont des conceptions médicales du fonctionnement de l'être humain. Exactement. Qui expliquent comment on est relié les uns aux autres. Exactement. Mais le mesmérisme étant dépassé, il y a d'autres conceptions du toucher. Il est beaucoup plus scientifique. Oui, effectivement, c'est curieux de voir que on a fait une espèce de science expérimentale, de psychologie expérimentale du toucher, qui est une psychologie allemande. Et alors, on a créé ce qu'on appelle le compas de Weber, c'est-à-dire comment on mesure la sensibilité tactile. Et donc, le compas de Weber, effectivement. On l'a trimballé effectivement aussi dans différentes tribus pour mesurer si effectivement les Fidjiens étaient plus sensibles ou moins sensibles que nous. D'ailleurs, les conclusions sont extrêmement contradictoires. Hein, il y a Denis Kerr qui dit qu'effectivement ils sont moins sensibles et les anthropologues britanniques qui disent qu'ils sont plus sensibles. Effectivement, il y a une volonté de mesurer le toucher. Et ce qui est curieux aussi, c'est Alfred Binet avec ses filles. C'est-à-dire? Alfred Binet donc s'empare du compas de Weber. Bon, il dit qu'il appelle ça l'esthésiomètre, qu'il le bricole un peu. Et alors ses filles, donc ses pauvres filles, qui ne caressaient pas, qui ne touchaient pas, parce qu'on avait l'aide de la famille, hein, on se caressait pas, on ne caressait que les chiens. Par contre, avec l'esthésiomètre, il leur faisait faire des tests en leur faisant à la fois faire des multiplications et l'esthésiomètre pour mesurer l'attention. Voilà. Il avait une fille qui était plus sensitive et l'autre qui était plus imaginative, etc. Quoi. Toutes ces réflexions théoriques liées à la phrénologie, la possibilité par la forme du crâne de savoir si nous sommes face à un criminel ou un grand mathématicien, la sensibilité, le toucher, et dans la conception, le rapport que nous avons à l'autre. Et depuis le début de l'émission, nous cessons d'évoquer les morts, Foucault, Flaubert, Louis XIV. Allez, faisons tourner les tables. Ne soyez pas nerveux, monsieur le commissaire. Amen. Approchez votre main de la mienne. Il faut que votre petit doigt touche. Ne vous inquiétez pas, ce n'est rien. C'est la foudre qui est encore tombée sur le transformateur. Non, c'est un signe. C'est un signe de l'au-delà. Un signe très favorable. Concentrons-nous. Écoutez. C'est Walter qui nous fait savoir qu'il arrive. Attention. Je sens que Walter va se manifester. Walter, êtes-vous là? Eh ben non, c'est Xavier Mauduit, un extrait de Fantomas, le film de 1964, Bénédicte Hamon. Dans le regard porté à travers les documents conservés à la Bibliothèque nationale, ouvrages, même l'iconographie, et puis la presse évidemment, on voit le regard sur le spiritisme. Il est dans la moquerie en partie, c'est ce qui nous plaît aujourd'hui, mais il faut vraiment insister sur le fait qu'il y a une vraie réflexion derrière et cela peut être pris et est pris très au sérieux. Oui, oui, tout à fait. En fait, c'est vrai que quand on lit les textes, les traités de grands auteurs spirites, et alors Kardec en particulier, il y a vraiment un ton extrêmement sérieux. C'est assez étonnant. Alors moi, ce qui m'a beaucoup amusée, c'est le décalage entre ce ton très sérieux et puis parfois, on a des extraits de communication médiumnique assez fabuleuses avec des histoires pas possibles, d'escargots qui sont écrasés, frôlés par une locomotive et il y a des loufoqueries mais absolument fabuleuses et à côté on a ces bons messieurs qui sont extrêmement sérieux qui mettent en place des protocoles, enfin il y a vraiment un sens du sérieux qui est assez étrange. Alors c'est vrai que moi ça me fait beaucoup rire et puis tous ces messieurs extrêmement sérieux scientifiques quand on les voit dans les séances on a des enchevêtrements des participants mais absolument fabuleux. nulle. Enfin, faut vraiment regarder les images. C'est vraiment étonnant parce qu'on se touche les pieds, on se touche les genoux. À un moment donné, on a une médium, Zapia. En fait, il y a la nécessité qu'il y ait trois personnes qui la contrôlent. Donc là, il y a un rôle nouveau qui apparaît dans toutes les études sur le spiritisme. C'est celui du contrôleur qui vraiment prend en charge le corps de la médium pour pas qu'elle parce qu'on la soupçonne de fraude. Hein, aux Zapia, je pense que c'est très maligne. Enfin, c'est un personnage assez curieux et enfin c'est très très curieux. Et en fait, alors il y a un contrôleur de droite, un contrôleur de gauche, il y en a un qui est même contrôleur des pieds, le professeur Darex. Et alors on a des photos un peu comme des scènes de théâtre en fait, c'est très étrange, des sortes d'entrées en scène. Et alors moi bon, c'est vrai que ça m'a beaucoup fait rire et puis je pense qu'en cette période, j'avais envie de travailler sur quelque chose d'un peu amusant. Du coup, oui, il faut vraiment regarder ces photos. C'est assez impressionnant comment les gens sont enchevêtrés, entremêlés, et toujours avec un texte qui l'accompagne extrêmement sérieux. Un texte. Oui. Allez-y. Un texte qui est très sérieux. Et justement, au moment de parler des morts et de l'histoire du toucher, Anne-Vincent Buffo, les morts sont essentiels dans ce qu'on appelle l'historiographie, l'écriture de l'histoire du toucher. Parce que c'est une réflexion autour de la mort qui peut conduire des historiens à étudier le toucher. Exactement. Il m'a semblé qu'il y avait une hypothèse, c'est qu'on s'est intéressé au sens et au toucher à partir de la guerre de 14, c'est-à-dire que beaucoup de chercheurs, qu'il s'agisse de Marc Bloch, qu'il s'agisse effectivement aussi de bon, quelqu'un qu'on connaît peut-être moins, qui est Wilfred Bion, qui était d'ailleurs historien au départ, etc., qu'il s'agisse effectivement de Marcel Mauss, ont tous fait l'expérience de la guerre de tranchées. Et d'une part, ça veut dire que c'est un chaos sensoriel, la guerre. Voilà. Et donc... Bon, on connaît bien Marcel Mauss, effectivement, sur l'attente, le sommeil, etc. Mais ce que j'ai trouvé étonnant, c'est aussi Marc Bloch. Donc, on connaît aussi son rapport au toucher sur le toucher des écrouelles, hein, le côté symbolique du toucher, qu'on n'a pas encore évoqué encore, je trouve. Mais il dit, en fait, que dans les tranches des fêtes, que, en fait, les psychologues allemands dont je vous ai parlé, hein, qui faisaient de la mesure, en fait, ils ont été sollicités par l'armée allemande pour paniquer, en fait, par les bombardements. Donc, effectivement, la science est parfois au service de la mort et de la peur. Oui, et puis et de l'avenir, simplement de l'avenir. L'avenir tel que pouvait l'envisager André Mauroy, écrivain, biographe, en 1956. Éducation musicale dans les écoles, développement des musées, décentralisation théâtrale, voyages de vacances liés à la découverte de beautés inconnues, tout cela, non seulement... est excellent, mais est indispensable à la santé morale de la nation dans cette ère nouvelle. Loisirs, énergie abondante, transports rapides permettront à l'homme des villes de reprendre contact avec la nature et à tout homme de connaître un univers plus vaste. Où serons-nous dans 50 ans ? Sur le plan matériel, on peut donner des réponses probables. Chaque homme aura à sa disposition beaucoup plus d'énergie que maintenant. On vivra dans de petites cités reliées par des moyens de transport aérien à une vitesse 3 à 4 fois supérieure à celle du son. Les matériaux plastiques auront remplacé pour une large part ceux qui sont extraits de la terre. On pourra prédire le temps. L'élevage aura été amélioré par des mutations contrôlées que l'on produira par action de radiation sur les cellules. La vie humaine sera prolongée, on reverra Mathusalem, et les innombrables centenaires poseront dans les académies de graves problèmes. Et voilà, tel qu'André Mauroy voyait l'avenir, il parlait en 1956, eh bien écoutez, nous y sommes un peu dans l'avenir qu'il évoquait, il ne pense pas qu'il n'y aura plus de toucher. Dites-nous, est-il possible d'imaginer une société sans toucher ? Autrement dit, ce que nous vivons là est quelque chose dans l'histoire du toucher comme une rupture dramatique. Oui, c'est une rupture dramatique. Et bon, je pense que tout le monde en fait l'expérience dans sa vie. C'est-à-dire que le fait qu'on puisse plus embrasser, etc. Mais regarde que l'idée de distanciation sociale brouille totalement nos interactions. C'est-à-dire voir un ami à 1m50, c'est pas du tout pareil, même si on le touche pas. Déjà, on s'embrasse, etc., mais on ne touche pas. De le voir à 1m50, ce n'est pas pareil que de le voir à 50 cm. Donc, toutes nos interactions, effectivement, mettent le toucher en œuvre. Et là, nous sommes dans une espèce de glaciation qui donne un effet quand même de glaciation, de déréalisation, etc., qui est très curieux. Alors, après ça, on peut aussi tout ça avec la digitalisation. Voilà, formidable, on digitalise, on travaille à distance, etc., mais on sent bien qu'on perd tous les signaux faibles, tout ce qui fait un peu le sel de la vie, comme dirait effectivement Françoise Héritier, c'est-à-dire que tout ça est un peu desséché. Dans votre histoire sensible du toucher, Anne-Vincent Buffo, jamais vous ne croisée de périodes de l'histoire où le toucher est aussi au cœur des attentions qu'aujourd'hui. Jamais il y a eu cette méfiance aussi forte du toucher. Il y a des amorces médicales de la peur du toucher, mais ce n'est jamais concrétisé de manière aussi nette qu'aujourd'hui. Oui, bien sûr, avec le Covid, c'est sûr que c'est important. Mais en même temps, il y a tout un mouvement où on commercialise le toucher par toutes des pratiques de massage, etc. Enfin, il y a des espèces il y a une nostalgie du toucher, une volonté de retourner vers un toucher qui serait naturel, alors que nous, historiens, historiennes, savons bien que ce n'est pas le cas et qu'il n'y a pas de retour à l'originel avec le toucher. À chaque fois, le toucher est pris dans une culture, est pris dans une histoire. Et c'est l'expérience qu'on va faire, je pense, va beaucoup changer les choses. Est-ce qu'on continuera à se faire la bise? Alors, il paraît que le Robert a publié un nouveau dictionnaire où la bise virtuelle, c'est la biselle. D'accord. Écoutez, nous enrichissons notre vocabulaire, mais vivement le retour de la vraie bise. En tout cas, merci Anne-Vincent Buffo, je rappelle, histoire sensible du toucher. Merci beaucoup Bénédicte Hamon. Et pour vous, je rappelle d'aller voir sur le blog Gallica, le spiritisme au prisme du toucher, et puis même d'aller flâner dans Gallica, car c'est toujours un plaisir. Merci vivement à vous deux. On retrouve tout de suite Anaïs Quien. Anaïs Quien avec son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui dans le journal de l'histoire, mais que s'est-il passé cette semaine aux Pays-Bas ? Aux Pays-Bas, on ne fait pas la grève. C'est le territoire par excellence du consensus politique et social. Les images des émeutes ont étonné parce qu'on ne s'attendait pas à un épisode insurrectionnel à cet endroit-là. Pourtant, à la veille des mouvements révolutionnaires de 1968, Amsterdam était dans toutes les têtes. Le mai 68 français est devenu l'emblème du soulèvement étudiant mondial, mais les Français ont été quelques-uns à puiser leur inspiration chez les Néerlandais en observant le mouvement des Provos, une contestation éphémère qui a su frapper fort. Provos, bidnik, des gens dans les prisons, des magiciens, des pacifistes, des charlatans, des philosophes, les porteurs de bacilles, les épeningers, les végétariens, les syndicalistes, les prostituées. En 1965, bien avant que les étudiants de Nanterre ne décident de mettre le feu aux poudres, le mouvement Provos apparaît à Amsterdam tous les samedis soirs sur la petite place du Spuy, autour d'une statue de Garçonnet à mi-chemin entre l'Angelot et le Garnement, offerte par Hunter, un fabricant de cigarettes. Autour de cette statue, on manifeste en toussant, avec un cœur de tousseurs et de tousseuses acharnés, pour dénoncer l'empoisonnement de la société, nourrie par les industries et la société de consommation. Ce qui inquiète les Provos, c'est la destruction du monde et de l'humanité qui s'intoxique et se trouve coincée sous la menace nucléaire permanente de la guerre froide, avec un petit côté « nos futurs » largement développé par la mouvance punk à la fin des années 70. Mais les Provos sont généralement de bonnes familles, étudiants, jeunes travailleurs. Ils se disent anarchistes, surtout pour se démarquer du communisme. Leur consensus est dans ce qu'ils refusent, vivre la même vie que leurs parents au sein d'une société de consommation tueuse de désirs. Leur programme, le Plan Blanc, est à la fois responsable et jouisseur. Il s'inspire autant de la pensée écologiste de Rachel Carson que de Mick Jagger, et leur talent d'agitateur ludique et créatif se nourrit aux sources des chartes graphiques de l'underground américain. Limiter le trafic des voitures, partager gratuitement les vélos, faire la promotion de l'éducation sexuelle des adolescents pour qu'ils en profitent de la sexualité et non pas pour leur faire peur, toutes les propositions des provôts se parent de blanc, y compris l'officier public qu'ils imaginent à mi-chemin entre le policier et l'assistant social, un poulet blanc chargé de distribuer les objets de première nécessité, pansements, allumettes, contraceptifs et cuisses de poulet pour nourrir le provotariat affamé. Mais provôt a des problèmes avec le capitalisme, communisme, fascisme, bureaucratie, militarisme, snobisme, professionnalisme, dogmatisme et autoritarisme. À côté de cette agitation joyeuse, le coup d'éclat des provôts a lieu en 1966 lors des festivités qui accompagnent le mariage de la princesse Béatrix, donc la future reine, avec un ancien membre des jeunesses hitlériennes. Un fait d'armes qui a terrifié les autorités, légèrement soulagé lorsqu'une simple poignée de tracts a volé sur le cortège qui passait dans la rue. L'action la plus agressive imputable aux provôts, à côté de leur manie de tout peindre en blanc. Par leur créativité et la bonne humeur de leur happening permanent, les provôts attisent la curiosité de leurs voisins et leur mouvement se propage sous des formes adaptées en France, en Belgique et en Italie. Après une participation discrète au conseil municipal, les provôts néerlandais se séparent en 1967, un pavé dans la mare qui a touché par ses ondes tous ceux qui attendaient qu'il se passe quelque chose. Eh bien, il s'est passé quelque chose. Merci de nous avoir présenté les provôts, Anaïs. Le journal de l'histoire se retrouve sur l'application Radio France et sur le site franceculture.fr. Toute la semaine, dans le cours de l'histoire, nous nous sommes intéressés à l'histoire du mensonge et nous avons essayé de dire un maximum de vérité autour de tous ces mensonges. Les démocraties ont-elles inventé la propagande, calomnie, rumeur, murmure? Comment circulaient les fausses informations? Les faussaires sont de vrais artistes, histoire du foie en peinture. Et les mythes nationaux sont-ils des tissus de mensonges, des émissions à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscan-Viudès, Odile Jouessel, Valentine Lovrins, une émission dont la programmation est assurée par Maïwenn Guizhou. La semaine prochaine, tant qu'il y aura des riches, une histoire des inégalités. Nous allons nous intéresser à l'invention du bon et du mauvais pauvre, à la peur du grand déclassement ou à l'impôt. Oui, peut-il nous sauver des inégalités? C'est le thème de la semaine prochaine dans le cours de l'histoire.